Jazz Time, présenté par Gérard. Aujourd'hui, Jazz Time se focalise sur un événement qui intéresse le jazz vivant en région Grand Est. Alors déjà en 2017, Nancy Jazz Pulsation et la MJC des Forges avaient créé un tremplin jazz destiné à mettre en valeur des musiciens de la scène jazz Grand Est. Et en décembre dernier a été lancé le second tremplin avec appel à candidature de groupe avec un jury qui a procédé à une sélection et a retenu quatre formations qui se sont présentées ce mardi 29 janvier en concert à la MJC des Forges en public afin de choisir un lauréat qui bénéficiera d'une programmation dans les festival de la région. Alors, pour évoquer cette initiative et le déroulement du tremplin, nous accueillons Benoît Brunner, qui est l'homme orchestre de ce tremplin, et il fait partie des deux organisateurs partenaires, NJP donc, et la MJC des Forges. À la MJC des Forges, on développe toute l'année, grâce à Benoît, des actions en faveur du jazz vivant. Bonjour Benoît. Bonjour Gérard, comment ça va ? Eh bien écoute, très content de vous recevoir, et merci de nous parler du déroulement de ce tremplin qui a débuté donc en décembre 2018 avec dépôt de candidature de groupes régionaux. Alors, combien de dossiers avez-vous reçus ? On a reçu 18 groupes sur le Grand Est. C'était la première fois également qu'on élargissait le tremplin au territoire de la grande région, donc qui va de Reims à Strasbourg en passant par Metz, etc. Et donc 18 groupes, 18 bons groupes, et qu'on s'est fait un plaisir d'écouter sagement. Alors chaque groupe devait vous fournir un dossier justifiant sa candidature. Alors vous demandiez quoi comme pièce dans ce dossier ? Alors c'était assez simple en tout cas comme dossier. On demande au groupe d'avoir des compositions originales. Voilà, ça c'est quelque chose de très important. Et puis la formation du groupe, c'était du duo au quintet également. Donc on ne pouvait pas accueillir un big band, ni on a eu quelques solos qui sont proposé, mais c'était pas le cadre du tremplin. Et puis l'autre critère, c'est effectivement d'avoir une majorité de membres du groupe qui soient résidents, qui habitent, qui vivent sur le Grand Est. Il n'y avait pas de limite d'âge. On voulait aussi promouvoir de nouveaux projets. Ça, c'était aussi un des derniers critères, c'est-à-dire que ça devait être des projets qui dataient de 2-3 ans maximum, donc dans quelque chose qui était nouveau dans l'écriture ou dans la composition du groupe, etc. Donc voilà les critères fondamentaux du Jazz Up 2019. Alors les groupes ont été en quelque sorte auditionné déjà sur dossier par un jury. Alors qui faisait partie de ce jury ? Oui, l'audition, c'était donc chaque groupe nous a envoyé 5 titres originaux, et puis le jury, on s'est retrouvé début janvier. Il y avait donc, vous l'avez dit, hein, des membres de NJP, des membres de la MJC des Forges qui sont co-organisateurs de ce tremplin, et on a souhaité donc élargir notre aura sur le Grand Est. Et comment faire ? Et ben, en invitant simplement les programmateurs d'autres festivals de cette région. Et on avait pas mal de festivals, puisqu'il y avait le Colmar Jazz Festival avec Sylvie Moroteau qui est la programmatrice de ce festival là à Colmar, qui est vraiment un très très beau festival également, que je conseille aux auditeurs passionnés de jazz, parce que c'est vraiment une très très belle programmation sur la Lorraine. Donc je vous ai parlé d'NJP, il y avait également le Marly Jazz Festival avec Patrice Vincent Ritz, et puis sur le Grand Est, sur la Lorraine, le Jazz Pot avec Christian Schott. Et je vais passer maintenant du 51 de la Marne, la Haute-Marne, avec Jazzus, le Sunnyside de Reims, avec qui était représenté par Gilles Gauthier. Et on avait invité également les conservatoires, et le conservatoire de Reims avait également répondu pour cette première audition en la personne de Manu Pécard, qui était chargé du département de jazz là-bas. Donc voilà un vrai panel de diffuseurs, de grands lieux de jazz sur la région Grand Est, qui ont pu écouter ces 18 candidats et retenir 4 finalistes. Alors, les débats ont été vifs ou neutres. Comment vous avez ressenti cette discussion entre des gens quand même très au fait de jazz vivant, qui sont des organisateurs, qui ont à gérer des budgets, un programme. Comment ça s'est passé entre eux ? Je crois que ça s'est... En tant qu'organisateur, j'ai participé à ces débats, à ces auditions-là. Honnêtement, ça s'est passé assez rapidement. C'est-à-dire que les quatre finalistes se sont dégagés assez rapidement. Il y avait sur les 18, vraiment, il y avait peut-être 6-7 groupes vraiment qui avaient un niveau auquel on pouvait attendre pour pouvoir jouer sur les grandes scènes, hein, parce que c'est l'objectif, c'est quand même de faire tourner ces artistes sur des grandes scènes et de les promouvoir aussi à l'extérieur de la région. Donc on était vraiment sur ce critère-là et voilà, oui, il y a 6 groupes qui se sont dégagés rapidement. Donc ensuite la sélection s'est faite sur ces 6 groupes-là. Les autres groupes, c'était soit des projets trop pas encore assez affirmés, pas assez solides, ou vraiment techniquement il y avait peut-être des problèmes, ou que artistiquement c'était des redites, pas de nouveautés, voilà. Et que là on s'est retrouvé donc sur des groupes qui nous proposaient des choses nouvelles, en tout cas nouvelles, affirmées, maîtrisées, etc. Techniquement, artistiquement, il y avait pas de difficultés, et que ensuite les questions sont posées sur d'autres critères. Oui. Alors, 4 finalistes que vous avez choisis, donc que le jury a choisi, et ces 4 finalistes, vous les invitiez donc mardi 29 à se présenter sur scène au public avec bien entendu les membres du jury. Oui. Et sur invitation, vous aviez une cinquantaine de participants qui ont pu écouter environ 30 à 35 minutes de musique live, ensuite pour départager parmi les 4, trouver le lauréat. C'est ça. L'année dernière, on avait donc le tremplin dans cette configuration-là, date de 2 ans maintenant. On l'avait mis en place juste avec NJP dans cette Jazz Pulsation l'année dernière. Et on avait travaillé uniquement, malheureusement, que sur écoute. Voilà. Et on était très frustrés de ne pas avoir pu découvrir et voir les musiciens, échanger avec eux en live. Parce que le jazz, ça reste quand même une musique de scène, une musique de live. Et donc cette année, on a organisé le tremplin un peu différemment, avec une présélection et puis une finale en public. Vous l'avez dit, c'était mardi 29 janvier, avec 4 groupes qui ont joué pendant une demi-heure. Et pour nous, c'était important de les confronter à la scène aussi. C'était pour nous, parce que voilà, les prix majeurs, c'est quand même de venir jouer sur des plateaux. Et donc, on doit quand même s'assurer qu'ils ont dans la capacité et puis que ça vaut le coup, quoi. Et puis, c'était partagé aussi, ces groupes-là, au public, vous l'avez dit. Alors, un public en petit nombre, mais c'était pour nous important. Voilà. En tout cas, une organisation vraiment très très bien mise au point. Il faut vous tirer le chapeau parce que non, il y a pas eu de temps mort. On a été tous passionnés. Alors, la soirée était très dense. Alors c'était dense. C'est vrai que c'était, vous l'avez dit, hein, 4 sets d'une demi-heure. Alors que certains ont pu un peu dépasser, déborder. Ma foi, c'est comme ça. Mais en tout cas, oui, une soirée dense puisque 4 groupes qui jouent une demi-heure, des changements de plateau, etc., on imagine. Alors j'espère que pour les spectateurs qui étaient là, c'était pas volumineux ou trop long, etc. C'est sûr qu'il y a sans doute des choses qu'on peut améliorer. Néanmoins, ça permettait vraiment de les écouter pour de vrai et de les voir. Et c'est vraiment pour nous indispensable. Alors, vous allez nous présenter donc les 4 finalistes, et puis on parlera du lauréat après. Bien sûr. Alors, les 4 finalistes donc, sont représentatifs de tout le Grand Est, puisqu'il y a des gens de Reims, des gens qui sont plutôt de la région de Colmar, Nancy. Alors, le premier gros, on va prendre l'ordre de passage, hein, c'est beaucoup plus simple. L'ordre de passage, alors, assez surprenant, le premier groupe, c'est un duo avec un claviériste et une batteuse, une percussionniste. C'est ça, c'est le duo Obradovic-Tixier, duo, de leur nom Lada Obradovic, qui est à la batterie et à la voix et aux petites percussions, qui est elle originaire de Croatie, voilà, et qui vit maintenant, qui est installée avec David Tixier près de Mulhouse, voilà. Il faut juste savoir que David Tixier est originaire de Suisse, mais il ils habitent tous les deux en Alsace depuis assez peu de temps. C'est un formidable duo avec un son assez frais, assez contemporain, j'allais dire dans l'air du temps, avec un piano mais des claviers, des machines, des sons, etc. C'est je trouve ça passionnant. C'est un duo qui est déjà bien lancé, puisque il a déjà été lauréat du réseau Focal Jazz à Vienne l'année dernière. Il est déjà repéré dans de nombreux tremplins. Il a été ici finaliste du tremplin Jazz Up. Et puis je vois sur leur page, sur leurs événements, etc., qu'ils sont aussi lauréats. Enfin, en tout cas, ils sont sélectionnés dans une finale internationale prochainement qui aura lieu à Bruxelles. Donc c'est vraiment un groupe qu'il faut suivre. On va en entendre parler, ça, c'est sûr. Et voilà, je redonne juste leur nom. Donc David Tixier au piano et au Rhodes. Et puis Lada Obradovic à la batterie et puis aux effets, à la voix. Ça s'appelle Obradovic Tixier Duo et c'est vraiment formidable. Alors je propose, on a beaucoup parlé, Benoît, je propose qu'on donne à nos auditeurs la possibilité de découvrir ce duo qui a vraiment surpris, parce que c'est une musique peut-être un peu intellectuelle, un peu froide, hein, peut-être, mais c'est vraiment une grande découverte pour ce tremplin. En tout cas, froide peut-être, peut-être qu'on va l'écouter, ça va sembler froid, mais en live, c'est beau à voir, en tout cas, et donc je trouve que c'est réchauffé. Puis, votre piano droit était ouvert pour que... Non, mais c'est important, parce que maintenant, on a beaucoup de claviers, et par contre, un piano acoustique, un piano droit, qui vraiment donnait une autre sonorité au duo. Alors, on écoute le duo. Thank you. En seconde partie donc de soirée, là vous aviez un groupe qui venait, je crois, de Reims. Oui, de Reims, exactement. C'est un quartet qui s'appelle Belugas Quartet de Reims. Un quartet original. Hein, on était plus sur les musiques du monde. Je ne sais pas, Gérard, si vous en pensez. Parce que la couleur était apportée par le oud. Voilà, l'oud et puis également le soprano. J'ai trouvé qu'il y avait une couleur très orientale quand même, puisque l'association soprano et oud donne une certaine couleur. On peut trouver que c'est une juxtaposition de musiciens. Il n'y a pas vraiment un son de groupe qu'on a retrouvé ailleurs dans le tremplin, sans doute. Donc Belugas Quartet, c'est un... Je vais vous donner la composition du quartet. Il est emmené par le batteur Fabien Imbert, qui était présent donc mardi 29. Et puis autour de lui, Alain Zigel au piano et au clavier. On va dire que c'est vraiment le noyau de ce quartet, puisque Belugas a eu une formation qui était d'abord duo, ensuite trio, maintenant quartet. Peut-être ça va, c'est quelque chose qui est en train de se construire sans doute, voilà, et qui peut-être vous dites que voilà, il y a des individualités, mais parce que c'est encore, à mon sens, un projet qui est assez récent, qui c'était aussi le tremplin, hein, c'est vraiment début. Ça a besoin d'évoluer. Voilà, et donc c'est en train de se construire. Et puis donc autour de ce duo-là, un saxophoniste et flûtiste, Renaud Collet, et puis un oud qui vient justement d'intégrer le trio, donc c'est pour ça que c'est un quartet. Donc le oud de Ahmed Hamid Ben Figira qui vient d'incorporer et qui donne vraiment une nouvelle couleur à ce quartet, Belugas Quartet. Eh bien, vous nous avez là aussi apporté un extrait. Les extraits que nous écoutons, ce sont les extraits musicaux qui étaient fournis dans le dossier de candidature. Oui, qui étaient fournis dans le dossier de candidature. Alors, certains extraits que nous écoutons sont tirés d'EP d'EP, souvent des 4 titres ou des 5 titres qui sont déjà un peu sortis, voilà. Ou pour certains, ça sera le cas pour d'autres, des extraits live. Voilà, donc pas encore de CD, pas tout ça. Des choses, des prises directes. Alors, on peut préciser, Benoît, que vous avez eu la très bonne idée de faire prendre un enregistrement à la fois son et image du concert du 29. Il y aura donc une trace, il y aura, je suppose, des DVD. Alors, ce sera intéressant déjà pour les auditeurs ou les spectateurs qui pourront voir ces images. Et puis, c'est aussi un document de référence, de communication pour les groupes qui pourront faire un extrait au bénéfice de leur promotion. C'est ça, c'est-à-dire que la société de production Ozango, qui en fait a souhaité devenir partenaire de ce festival-là, et effectivement le prix, les prix, on a compris, c'était de pouvoir les jouer dans des grandes scènes, on l'a dit, mais c'était aussi de leur fournir des outils de communication. Et donc là, on a une société de production qui s'est dit, nous on peut proposer ça aux 4 finalistes. Donc ils sont venus filmer le concert pour produire de la vidéo. Alors, dans 2 objectifs, le premier, c'est un magazine TV qui va être diffusé sur les télés régionales que sont Via Mirabel, Via Vosges, Alsace 20 et puis Canal 32, donc des télés régionales qui sont en réseau également. Donc ça, c'est une émission qu'on va pouvoir retrouver sur le Jazz Up avec des extraits des concerts, etc. Et puis, chaque groupe aussi va pouvoir repartir avec la captation de leur set de 30 minutes et ils vont pouvoir travailler, etc., sur pouvoir diffuser, regarder notre groupe en live, c'est ça, dans ces conditions-là. Et c'était déjà pour les 4 finalistes un prix, en tout cas de pouvoir avoir bénéficié d'une belle image, d'un joli son et pouvoir un outil promotionnel et faire partager leur musique à un plus grand nombre encore. Alors, on écoute le groupe qui vient de Reims, rappelez-nous le nom. Belugas Quartet. Thank you. Alors, troisième groupe, Benoît, c'est un groupe qu'on connaît parce que ce sont des Nancéiens, du moins c'est des musiciens qui ont travaillé ensemble. Certains, on les voyait plus et puis on les revoit maintenant sur scène. C'était le cas de Christophe, qu'on avait un peu perdu de vue, mais qui est toujours aussi vif sur scène. Alors, ce groupe, vous l'aviez retenu sur un critère musical, local Ah non, non, mais oui. J'allais dire qu'il n'y a pas de favoritisme régional, en tout cas. Voilà. Si l'équilibre s'est fait, là, on l'a dit, hein, sur, il y avait deux groupes de Reims, un groupe de Nancy, et un groupe d'Alsace de Mulhouse, c'est vraiment par hasard. C'est-à-dire D'accord. que c'est bien tombé, puisque finalement toutes les régions étaient, les trois régions étaient représentées. Voilà, c'est du hasard, mais ça prouve qu'il y a du talent dans chaque région. Mais c'est vraiment un hasard. Et on était très heureux, effectivement, d'accueillir les Shooting Chestnuts, qui sont un groupe nancéen. On a déjà pu les entendre dans le in du NJP à l'occasion de la programmation de 2018. Ils étaient d'ailleurs ils avaient d'ailleurs été programmés à l'auditorium de la MJC des Forges. Oui, les Shooting Chestnuts, un groupe solide, fort, avec un son dense. Un son de groupe. Oui, un son de groupe très dense. Moi, je suis passionné par ce groupe-là, et vraiment, je trouve qu'ils ont un bel avenir, en tout cas, parce qu'ils ont, ils font une super musique. Je vais redonner quand même le nom des quatre musiciens. Un quartet aux compositions Nicolas Arnoux, composition et Wurlitzer, ce fabuleux clavier. Christophe Castel, vous venez d'en parler, au saxophone ténor. Et puis la section rythmique, les frères Ambrosiak, avec Mathieu Ambrosiak à la basse. Une basse magnifique, hein, puisqu'il la joue façon guitare. Et ça, c'est vraiment, moi, je trouve très très précieux, avec une belle recherche de son. Et Alexandre Ambrosiak à la batterie. Voilà, quelque chose qui sont voilà, un groupe qui est, j'allais dire, cash, en tout cas, qui ça avance, c'est droit devant, et qui ça fait plaisir à voir. Et puis une autre couleur, c'est-à-dire que c'est un jazz un peu, j'arrive pas à trouver de qualificatif, mais en tout cas, on est sur sur un jazz qui s'écoute fort, sur de gros enceintes. Très vivant. Voilà, très vivant. Et puis, on pourrait presque dire garage, quoi. Voilà, un jazz un peu garage. Voilà, c'est un peu brut de découvrage. Mais en même temps, il y a beaucoup de finesse dans ce qu'ils font, quoi. Et ce sont des musiciens qui se connaissent depuis longtemps, parce que les deux frères Ambrosiak ont démarré il y a une quinzaine d'années environ sur la scène nancéenne. Oui, bien sûr, voilà. Et donc c'est un jazz peut-être qu'on pourrait dire un peu rock, peut-être un peu punk, mais aussi très très très très, avec des choses très très très très précises. Alors, vous nous avez apporté un album qu'ils ont réalisé, un album 4 titres. Oui, c'est ça, un EP. Qui est d'ailleurs disponible au concert du 29. Oui. Donc, on écoute un extrait. Vous avez choisi un des thèmes de ce disque. Oui, bah on va au hasard, on va écouter un extrait de cet EP 4 titres, et on espère retrouver rapidement les Shooting Chestnuts. Et je sais qu'on va les retrouver bientôt sur de grandes scènes. Très bonne idée. Thank you. Alors Benoît, le quatrième groupe, c'est un quintet. C'est déjà une formation de moyenne importance puisque on avait une section mélodique avec trompette et saxophone ténor et puis une rythmique. Alors des garçons qui à mon avis sont les plus jeunes de toutes des quatre finalistes, c'est la moyenne d'âge la plus jeune des quatre finalistes. Oui c'est vrai puisque les donc ce groupe, ce quintet, c'est emmené par le saxophoniste Léon Fall, donc Léon Fall Quintet, et vous l'avez dit hein, Léon Fall au saxophone et Zachary Gzik à la trompette sont vraiment de jeunes musiciens issus du conservatoire de Reims et voilà, c'est une belle jeunesse. Et puis autour d'eux il y a aussi toujours des jeunes hein, quand même, c'est-à-dire que Gauthier Toux au piano et au Rhodes, jeunes brillants musiciens, déjà promis une belle carrière nationale et internationale, à la contrebasse Rémi Bouissière et à la batterie un jeune batteur également, Arthur Allard. Voilà, un beau quintet rémois. Juste parce que là, je viens de parler de Gauthier Toux. Si on regarde le Jazz Mag de ce mois-ci, je crois qu'il est révélation de jazz. Absolument. Voilà. Et puis vous l'aviez programmé à Des Forges. Absolument. C'était NJP 2018. NJP 2018, on avait pu accueillir Gauthier Toux en trio. Voilà, c'était. Moi, je suis content hein, de pouvoir accueillir les révélations jazz dans cette petite salle de l'auditorium. Et puis, NJP, on est vraiment ravis de pouvoir aussi dire voilà, ces gars-là, il faut vraiment les suivre. Et bon, Gauthier Toux mène une carrière en trio, etc. Mais vous voyez, il est aussi présent dans d'autres projets et soutient la scène locale rémoise avec ce quintet. Alors on pourrait dire une formation plutôt classique, plutôt vraiment un jazz plus conventionnel, j'allais dire. Néanmoins, dans leur son, dans ce qu'ils proposent, on sent bien quand même l'influence de toutes les musiques qu'ils écoutent, que ce soit du hip-hop, que ce soit des musiques de la musique tribale ou des choses vraiment plus pop aussi. Voilà. Et donc c'est toute cette musique là qui ressort à travers cette jeunesse, puisque voilà, ils ont une culture jazz forcément impressionnante, ces musiciens-là. Et puis Léon Fall écrit les compositions de ce quintet, et je trouve que d'ailleurs il y a vraiment une belle mélodie, vraiment de jolis thèmes. Et puis dans l'organisation, dans les arrangements aussi, c'est absolument très très bien fait, avec des contrechamps, vraiment des choses qui se passent entre trompette et saxophone, entre le Rhodes et la rythmique. Enfin voilà, c'est vraiment une belle qualité d'écriture également pour Léon Fall Quintet, un groupe tout récent hein, aussi. Eux pour le coup, voilà, ils ont pas enregistré d'EP, ils ont vraiment rien fait pour l'instant, être allé jouer, je crois, au Sunnyside, c'était en octobre dernier, en 2018. Et d'ailleurs ils ont enregistré ce qu'on va écouter sans doute tout à l'heure, ça a été enregistré pour le Sunnyside, en live d'ailleurs au Sunnyside, donc c'est vraiment une captation live du coup qu'on pourra écouter tout à l'heure. Eh bien on va écouter ce quintet, puisque c'est eux qui ont été choisis en plus quand vous avez délibéré mardi soir, après le passage des quatre groupes, le jury s'est réuni, il a décidé d'ailleurs très rapidement. Hein, je crois que ça n'a pas été très long, ça a duré 10 minutes, un quart d'heure. Oui. Il y a eu l'unanimité pour choisir, ou presque. Oh oui, en fait, mais je vous le dis, c'était que nous, on avait déjà une idée après les écoutes sur CD. Et que le live, c'était aussi pour nous conforter aussi dans nos impressions. Et qu'elles ont été confortées sur le live. Et puis, redire aussi hein, que le Jazz Up, le lauréat du Jazz Up, donc, qui est cette année en 2019, Léon Fall Quintet. On est dans une idée aussi de promouvoir aussi des jeunes et de promouvoir la scène, et qu'on juge aussi que c'est Léon Fall qui a le plus besoin de notre aide, voilà, et sur ce tremplin là et sur la scène Grand Est, et on est heureux de pouvoir le faire découvrir à tout le Grand Est prochainement. Alors, ils ont été en numéro 4 de passage au cours du concert, oui. Mais en fait, c'est eux les lauréats du tremplin Jazz Up 2019 qui était attribué par NJP et par la MJC des Forges. On écoute donc ce quintet. Alors, on a l'impression que les directeurs de festivals ont été convaincus en quelque sorte par cette... Parce que c'est la première fois qu'on les voit. Les directeurs de festivals généralement travaillent un peu en vase clos, en petite équipe ou tout seul. Et là, ils ont été obligés de collaborer, de se rencontrer. Je pense que Marlene n'avait peut-être jamais rencontré les gens d'LJP. J'ai trouvé cette confrontation intéressante entre responsables, programmateurs, sur des territoires différents. Je ne dis pas qu'il y a rivalité d'habitude, mais il y a quand même un peu de concurrence. Et là, je trouvais que les réunir, c'était très important. Et ils vont offrir donc à ces groupes une scène. Alors on ne sait pas si c'est pendant le festival ou ailleurs, mais au moins ils s'engagent. En tout cas, c'est sûr que le Jazz Up, c'est un tremplin. Mais moi, je l'ai redit encore hier soir, c'est que Jazz Up ne doit pas être que ce tremplin-là, et que ça doit être aussi une collaboration régulière entre les scènes. Alors, pour l'instant, il y a 5-6 scènes majeures quand même déjà du Grand Est qui souhaitent maintenant travailler ensemble, en tout cas réfléchir à comment on fonctionne, comment on peut aider encore plus la scène régionale, parce que c'est bien là le sujet. Et donc oui, je suis content d'avoir pu avec NJP les réunir tous et qu'ils se rencontrent et que sans doute certains tabous nous ou non dits soient évacués et ça c'est une très bonne chose pour le jazz régional et j'espère que voilà des fruits vont bientôt apparaître en ce qui concerne les dates que vont proposer ces festivals partenaires. On les laisse libres en tout cas, c'est-à-dire que c'est pas une obligation. Mais je peux vous dire que aux discussions qu'on a eues, ils sont intéressés. Alors, par le finaliste, c'est indéniable, mais aussi par d'autres groupes qui ont participé à la finale ou au tremplin de manière complète. Voilà. Donc chaque festival va maintenant prendre note, etc. Et puis faire l'effort qu'il doit. Je dis effort, mais c'est pas vraiment un effort parce que je crois qu'ils auront plaisir à programmer ces artistes parce qu'ils ont du talent. Voilà. Et puis on a remarqué qu'il y avait des petites discussions d'ailleurs, des apartés où un directeur de festival discutait avec un des finalistes, sûrement pour envisager peut-être de lui demander de venir être programmé dans un festival ou dans un autre concert. Ces petites discussions étaient très intéressantes. Oui, elles sont rendues possibles parce que on a favorisé une rencontre entre des musiciens et des programmateurs, mais aussi entre des musiciens et un public, et puis le public et les programmateurs aussi. Vous voyez un petit peu l'envers du décor, mais c'est c'est important hein, quand même. On est à l'heure d'internet où on peut écouter des choses sur YouTube, on peut regarder des vidéos, on peut écouter des disques à la maison, etc. Mais l'échange humain, la rencontre, c'est quand même hyper important. Et que mardi 29, on a favorisé ça, c'est cette rencontre entre quatre groupes, donc ça faisait 15 musiciens, et puis il y avait 7-8 personnes du jazz en région qui étaient là, qui vont pouvoir programmer et favoriser ces rencontres-là. C'était vraiment un souhait aussi. Et puis je reparle aussi d'Ozango, hein, qui était la société de production vidéo, qui elle encore va appuyer tout ça. Et donc c'était pour nous indispensable en tout cas qu'il y ait cette rencontre en live et puis ce moment de partage entre les musiciens. Alors de quoi parle un diffuseur et un musicien, pas que du quand c'est possible, c'est aussi quels sont vos projets, est-ce que vous avez vous en êtes sur les CD, etc. Évidemment il y a plein de sujets de discussion et c'est aussi sentir la volonté du groupe. Voilà, je crois que les programmateurs aiment bien ça aussi, voir le groupe sentir leur motivation. Voilà, et que on parle d'un entretien d'embauche, la lettre de motivation, l'entretien de motivation. La motivation, elle est aussi importante pour un programmateur, et que on a envie de mettre sur scène des gens qui en veulent, qui ont envie de jouer leur musique et de la partager au public, parce que ils vont se retrouver sur scène, et que nous, ce qu'on souhaite, c'est que il y ait un vrai échange avec le public. Voilà, et que cette motivation là, elle est là, et c'est ça qu'on souhaite nous proposer aux spectateurs. Alors moi j'ai trouvé que cette soirée du 29, c'était un peu une réunion de famille, avec à la fin la photo de famille, la photo de groupe. Je trouve qu'il y avait un esprit, je dis pas, famille c'est peut-être trop exagéré, mais il y avait quand même une fédération. Famille, parce que il faut s'imaginer que tous ces musiciens-là sont quand même de niveau équivalent, en tout cas ils sont tous très très forts, et que ils ont tous les mêmes galères, en tout cas, et que leur galère c'est comment je fais pour jouer ma musique et que le public écoute ce que je fais. Voilà, ça il faut se dire qu'ils ont tous au même point. Alors certains vont faire des tremplins, certains vont faire des shows, des vidéos, etc. Ils cherchent quoi, pour comment on fait pour aujourd'hui, en jouant du jazz, qui est quand même une musique, qui est pas, alors à part sur des émissions spéciales comme la vôtre, Gérard, mais sinon c'est pas une musique qui est diffusée sur... Qui n'est pas populaire. Qui n'est pas populaire. Et donc c'est pas forcément une musique facile à diffuser. Voilà. Hier c'était familial, oui, aussi dans le public, parce que le public qui était là, c'était un public encore d'inconditionnel, de fans. Voilà. On peut pas dire que c'était le grand public qui était encore présent hier soir. Mais néanmoins, Nancy Jazz Pulsation ou Sunnyside à Reims, eux ont la capacité de placer ces groupes-là hors d'une confidentialité de jazz, c'est-à-dire avec un public non averti, et ça c'est vraiment souhaitable pour augmenter le public et faire découvrir la musique qui nous passionne. Donc merci d'avoir organisé d'une manière techniquement parfaite cette soirée du 29, c'est vrai, non, on ne s'est pas ennuyé, on n'a pas regardé sa montre pour savoir où on en était, c'était très bien. Non, et puis on a fini à des horaires jazz, en fait. Voilà. Tout à fait. Donc la famille du jazz a choisi son lauréat, on rappelle le nom du lauréat ? Absolument, Léon Fall Quintet, Léon Fall saxophoniste rémois qui vient de Reims donc. Qu'on est appelé à revoir dans le cadre d'NJP 2019. Absolument, qui sera programmé dans le IN du NJP, comme l'était le lauréat de l'année dernière, Synoptique, qui avait fait la première partie d'Henri Texier. Donc là, on souhaite une belle première partie à la salle Poirel ou à la manufacture pour Léon Fall Quintet sur NJP 2019. Voilà. Alors, je profite que vous êtes là, Benoît, pour que l'on rappelle les autres réjouissances que vous nous préparez, parce que la vie ne s'arrête pas à des forges avec le 29 janvier. Il y a d'autres rendez-vous que vous nous proposez. Alors, il y a déjà une chanteuse américaine. Oui, Dana Kurtz et Robert Maché, qui est son guitariste, ils seront présents donc le mercredi 6 février à 20h à la MJC des Forges. C'est vraiment à découvrir. Une chanteuse américaine, pour faire court et schématiser, on est sur une voix entre Diana Krall et Norah Jones. D'ailleurs, elle a chanté sur l'album de Norah Jones. Elle était invitée à chanter sur du partenariat avec Norah Jones. C'est vraiment sublime. On est entre l'americana, la folk américaine, le blues et puis le jazz. Elle sort des fois des albums blues, des fois des albums un peu plus jazz. En tout cas, c'est vraiment une voix exceptionnelle et une belle musique à ne pas manquer, surtout ce mercredi 6 février. C'est un concert rare, unique, hein, mais vraiment, si vous aimez les belles voix, il ne faut pas manquer ce concert. Et puis, on en a parlé ici dans Jazz Time, on peut revenir quelques jours en arrière. Le 1er février, on a le trio de Grégoriot, qui est un très beau trio. Oui. Et puis, alors, après la chanteuse, après Dana Kurtz, on aura donc, en quelque sorte, une carte blanche donnée à Franck Agulon, mais une carte blanche pour un solo. Oui. Vous avez déjà eu l'occasion de l'inviter, je crois que c'est l'année dernière ou il y a 2 ans. C'est ça. Et Franck Agulon va montrer toute l'étendue, toute la variété de ce qu'on peut faire devant des fûts et devant des cymbales. Je crois que c'est... Et puis c'est quelqu'un qui sait très bien communiquer au public. Sans parler, il arrive à faire passer énormément de choses. Oui, oui. Donc Franck Agulon sera en jazz solo le 8 février à 20h. Et puis après, c'est un mano à mano. Oui, et une création. Voilà. Alors, Franck Agulon invite Charlie Daveau et ensemble, ils vont dialoguer pendant le temps qu'ils le souhaiteront. Oui, c'est ça, un duo de batterie. avec deux styles différents, une culture différente chacun. Ouais. Et donc, alors, ce duo, ce sera le 16 février à la MJC des Forges, donc deux batteurs sur scène. C'est ça. Voilà, deux concerts. Alors, la venue de Franck Agulon, c'est vraiment, vous l'avez dit, une carte blanche. On a déjà pu l'accueillir au mois de janvier avec Jean-Yves Young et Romain Pilon à la guitare. Remarquable concert. En trio. Là, il vient en solo, un concert vraiment impressionnant. Et une batterie comme on a rarement, une batterie de jazz, quoi, comme on a rarement l'occasion de l'entendre. Et puis en duo avec une création, deux batteurs. Voilà. Pour un peu apercevoir en tout cas toute l'étendue artistique de Franck Agulon, qui est un batteur qu'il ne faut jamais manquer, puisque c'est un musicien de dimension internationale, enfin il faut le dire, quoi. Et que on a la chance qu'il soit de la région, et que on doit en profiter à fond. Ben, on bénéficie de la présence de musiciens qui ne sont pas nés dans la région mais qui s'y sont installés. Franck Agulon, Diego Humbert, Pierre Lingual, enfin je crois qu'on pourrait citer un certain nombre de musiciens qui ont pris racine en Lorraine et qui ont su y développer tout leur talent. C'est ça. Et voilà. Et c'est vrai que on en a parlé toute cette émission. Charge à nous, émission de radio, salle de concert, diffuseur de jazz, de les aider, ces musiciens-là, et de promouvoir leur talent, et de faire tout pour qu'ils se sentent bien chez nous. Merci Benoît. Alors, vous savez que la porte est ouverte pour venir dans les studios, nous donner des nouvelles, nous donner des musiques à diffuser. Et j'espère qu'on se reverra bientôt. Merci pour l'invitation, Gérard. Au revoir. Au revoir.